mon enfance passa de grisaille en silence, de fausses révérences, un manque de bataille. Les vergers étaient au ventre de la grande maison qui avait jeté l'ancre au nord parmi les gens. L'été à moitié nu, mais tout à fait modeste, je devenais indien. Pourtant déjà certain que mes oncles auraient pu m'avaient volé le Far West. Mon enfance passa les femmes aux cuisines où je revais de Chine vieillissait d'un repas. Les hommes au fromage s'enveloppaient des tabacs flamant tes œufs et sages. Et ne me savais pas, moi qui toutes les nuits agenouillé pour rien arpégeais mon chagrin au pied du trop grand. Je voulais prendre un train que j'ai jamais pris. Mon enfance passa de servante en servante. Je m'étonnais déjà qu'elle ne fût-ce point plante. Je m'étonnais encore des serrons de famille flânant de mort à mort et qui le deuil habille. Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer, que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau. Mon enfance est éclata. Ce fut l'adolescence, l'amour du silence. Un matin se brisa. Ce fut la première fleur et la première fille, la première gentille et la première. Je volais, je le jure. Je jure que je volais. Mon cœur ouvrait les bras. Je n'étais plus barbare. Et la guerre arriva. voilà, voilà ce soir.